Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le débarquement de la baie des cochons. Il s'est fait convaincre par la CIA qu'au moment du débarquement de cette brigade cubaine, d'exilés cubains, il y aurait un soulèvement populaire au Cuba, où évidemment il a eu tort. C'est la CIA et le proche entourage du président Kennedy qui le convaincront finalement de soutenir l'opération de débarquement de la baie des cochons visant à renverser le régime de Fidel Castro en avril 1961. Mais comme le dit le journaliste du New York Times à l'époque, Tad Schultz, qu'on vient d'entendre, le soulèvement populaire qu'espère Washington à la suite de ce débarquement ne se produira jamais. L'opération sera en fait un échec total dont l'écho sera planétaire et qui sera perçu à Cuba comme la victoire de David contre Goliath, David étant bien sûr le régime castriste et Goliath étant la méchante force impérialiste américaine. L'invasion de Cuba par les anticastristes s'est soldée par un échec. Un raid aérien sur la Havane avait marqué le début des opérations. Fidel Castro avait, en pleurant les victimes, charger les États-Unis de la responsabilité de l'affaire. À Miami, un bombardier cubain atteint par la DCA avait dû se poser et son équipage disait s'être rebellé contre Castro. L'attaque puis la défaite des anticastristes ont eu un retentissement considérable. Les Cubains exilés à Miami ont manifesté contre le régime de Fidel Castro. Par contre, à Moscou, a eu lieu une manifestation monstre appuyant les accusations de Castro contre les États-Unis. Extrait des actualités françaises du 26 avril 1961. Pour revivre les événements entourant le débarquement de la baie des cochons, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Quelle importance, Karine Prémont, a ce débarquement de la baie des cochons dans l'histoire des relations entre Cuba et les États-Unis? Bien, clairement, depuis la Révolution cubaine de 1959, les relations étaient difficiles entre les deux pays et le débarquement de la baie des cochons va venir donner une victoire morale, à tout le moins symbolique pour Castro, et va aussi consolider cette rupture qui a commencé de 1959. Et à partir de ce moment-là, les choses ne vont que s'envenimer, en fait, entre les deux pays et ça mènera éventuellement à la crise des missiles quelques mois plus tard. Ouais. Là, vraiment, c'est clair, il y a une détestation mutuelle, c'est la confrontation en direct entre Cuba et les États-Unis, avec tout ce que ça voudra dire, embargo total, et on connaît la suite. Dans quel contexte, Karine Prémont, se produit cette tentative de renversement du régime castriste avec le débarquement de la baie des cochons? En fait, il faut savoir que les plans du débarquement remontent à la présidence d'Eisenhower et à partir du moment où Eisenhower a imposé cet embargo partiel sur Cuba, à partir du moment où il a rompu les relations diplomatiques avec le pays, déjà on commence à fomenter un plan de débarquement pour enlever Fidel Castro de là, pour justement changer le régime à Cuba. Et même pendant la campagne présidentielle de 1960, ce sera un enjeu entre le candidat républicain Richard Nixon, qui est le vice-président d'Eisenhower, et Kennedy. La question cubaine est partie intégrante de la campagne, revient sur le tapis pendant le débat sur la politique étrangère. On veut savoir ce qu'on fait avec Cuba, comment on peut tolérer un régime qui commence à avoir clairement des affiliations communistes si près de chez nous. Et c'est comme ça que le plan, finalement, pour envahir l'île, va poursuivre son chemin. Il va passer, en fait, d'une administration à l'autre. Mm-hmm. Ce plan-là va arriver sur le bureau de John Kennedy dès son arrivée à la Maison-Blanche. C'est la CIA qui va pousser, notamment son directeur Alan Dulles, qui va pousser pour ce débarquement-là. Et les réticences de Kennedy seront rapidement balayées parce que, justement, Kennedy est un nouveau président, un jeune président surtout, dont on accuse beaucoup l'inexpérience en politique étrangère. Alors, il finira par se laisser convaincre et surtout que Dulles lui fait miroiter un succès éclatant et des retombées extrêmement positives pour la suite. Ouais. Il lui dit « Vous avez besoin d'un succès rapide, décisif en politique étrangère dès le début de votre présidence. » Et Kennedy est sceptique, on y reviendra dans quelques minutes, mais il y a comme une machine, vous le dites bien, ça se succède. Là, en fait, cette volonté de faire tomber Castro, il y a même des tentatives, des complots d'assassinat qui vont être pensés à partir de Washington. Ça, c'est dans l'air, ça passera d'une administration à l'autre. Puis Kennedy le voit bien, que la machine, au fond, elle est en marche, que même le débarquement de la baie des cochons, il est déjà planifié. On va entraîner des hommes, des Cubains, en fait, là. Oui. Concrètement, c'est ce qui va se passer avant le débarquement de la baie des Cochons. Exactement. La CIA va entraîner 1400 exilés cubains, essentiellement installés en Floride. On va les entraîner au Guatemala. Il faut dire qu'il y a très peu de soldats dans ces gens-là. Ce sont effectivement des gens qui veulent retourner à Cuba pour reprendre possession de leur pays, à toute fin pratique. Et la CIA va les entraîner, va leur promettre mer et monde, évidemment. Et Kennedy, effectivement, a l'impression d'être dans le sens de l'histoire d'une certaine façon, en disant, ces plans-là, les militaires me les ont présentés, ouais. me les ont expliqués, m'ont dit, voici comment nous allons gagner. Et Kennedy, en même temps, il est convaincu qu'il faut changer le régime à Cuba. Il se fait pas d'illusions à cet égard-là. Alors, pour lui, puisque tout est déjà en place, puisque tout est déjà décidé, allons-y. Et on va y aller, effectivement. Le débarquement va se produire le 17 avril 1961. Comment se déroule cette opération de débarquement du 17 avril 1961? Voici le récit qu'en faisait à l'époque le journaliste Pierre Nadeau. Lorsque le 17 avril 1961, les anticastristes attaquent, l'aviation cubaine, l'artillerie, les chars entrent immédiatement en action. Renforts, matériels et munitions affluent sur les points menacés. Castro dirige personnellement les opérations. Des tirs de mortiers arrêtent les envahisseurs dans la baie des Cochons. La DCA se révèle précise et efficace. Soumise aux tirs directs des chars embossés sur le rivage, des dizaines de péniches de débarquement sont coulées. La tentative d'invasion se transforme en désastre. Sur la côte, dans les marais, des cadavres d'envahisseurs. Les forces castristes ont fait plus de 1000 prisonniers. Castro triomphe. Castro triomphe parce que cette opération de la baie des Cochons, il faut bien le dire, va très, très vite, Karine Prémont, se transformer en échec complet. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui explique cet échec-là? En fait, on pourrait dire qu'il n'y a rien qui fonctionne, autrement dit, dans ce plan de débarquement. D'abord, il faut rappeler que deux jours avant le débarquement, on avait envoyé effectivement des avions bombarder les plages. Pas les plages, pardon, mais les bases aériennes, en fait, de Cuba. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y avait encore des avions qui étaient disponibles et qui vont contribuer, en fait, à ralentir l'avancée des exilés cubains sur les plages. Il faut dire aussi que Kennedy avait beaucoup insisté sur l'interdiction de fournir du matériel américain, de donner de l'aide, en fait, à ce débarquement-là. Il disait les États-Unis ne peuvent pas s'impliquer. Ouais. Premièrement, en droit international, on aura des problèmes. Et ensuite, ça va équivaloir, en fait, à une déclaration de guerre, à une invasion en bonne et due forme. Et il n'est pas question que les États-Unis envahissent un aussi petit pays. Donc, même les bombardements deux jours avant le débarquement, au fond, c'est des avions américains. Ils sont camouflés. On camoufle, à ce moment-là, l'appartenance américaine. On ne veut pas que l'armée américaine officiellement participe à cette opération-là. Exactement. Exactement. C'est cousu de fil blanc, évidemment, mais néanmoins, il n'est pas question pour Kennedy que les États-Unis aient une implication officielle dans ce débarquement-là. Et un deuxième élément, c'est que Fidel Castro, en fait, avait été prévenu de ce débarquement-là. D'abord, il faut dire qu'il y avait eu des fuites dans les médias, notamment dans le New York Times. On avait, dans un premier temps, élaboré un article qui spécifiait même la date du débarquement. Alan Dulles va réussir à faire changer la date pour de façon imminente. Alors, on a gagné au moins ça. Mais Fidel Castro avait des informateurs aussi chez les exilés cubains. Alors, il était préparé. Il y avait 20 000 hommes sur les plages prêts à accueillir les exilés cubains. Alors, ces gens-là n'ont pas été très loin sur la plage. Le nom même de l'opération, c'est assez hallucinant quand on y pense. L'opération Zapata, c'est le lieu, en fait, du débarquement. Même ça, il y a dans le nom qu'on choisit de donner à cette opération-là, il y a un indice. Puis en plus, il y a cette fuite dans le New York Times dont Fidel Castro prend connaissance. Donc l'échec complet. Cet échec-là, il est aussi très largement attribuable, Karine Prémont, à l'entourage du président Kennedy, à leur mauvaise analyse la situation politique intérieure à Cuba. On écoute à nouveau le journaliste du New York Times, Tad Schultz. C'est lui, d'ailleurs, qui écrit l'article dans le New York Times qui prévient, au fond, Cuba qu'il y aura une opération qui est imminente. On écoute donc Tad Schultz des années plus tard à l'émission Présent en avril 1981. C'est une erreur classique, si vous voulez, d'analyse historique, d'analyse politique. C'est un échec des services de renseignement dans le sens, dans le contexte de ne pas comprendre la situation interne du Cuba à l'époque, donc avril 61, de penser que les sentiments anti-Castro à l'époque étaient tellement forts qu'effectivement, au moment où une brigade cas de des gens débarqués au Cuba, le pays entier se levanterait contre Castro. Donc ce qui était d'une façon fondamentale, c'est une erreur totale de jugement de la situation politique intérieure du Cuba. Du mauvais renseignement, pur et simple. On n'a pas vu, Karine Prémont, qu'il n'y aurait pas de soulèvement anticastriste après cette opération de débarquement. Ce qui est fascinant dans cette affaire-là, c'est que, bon, on vient de l'entendre, le président Kennedy va être mal conseillé, mais plus que ça, il va être carrément manipulé par son entourage. On va lui mentir, en fait. La CIA, les militaires vont lui mentir en ne lui présentant pas les analyses qui disent que ce débarquement-là, très peu de chances de réussir. En fait, les militaires l'évaluent à 30 cette chance de réussir. On ne lui présente pas ces analyses-là. On ne lui parle absolument pas de cette nécessité d'avoir une révolte préalable pour que ce débarquement fonctionne. On lui dit, effectivement, qu'il y aura une révolte, que les Cubains n'attendent que ça pour se révolter, pour s'insurger. Et on dit à Kennedy également que les forces militaires cubaines sont très peu préparées, ne sont pas très disciplinées, et elles aussi attendent un signe, en fait, pour se rebeller contre Castro. Et en fait, ce qui arrive aussi, c'est que la CIA est incapable de concevoir qu'advenant un dérapage, Kennedy n'interviendra pas. Alors, on s'assoit un peu sur l'idée que Kennedy sera forcé de toute façon d'intervenir. Il faut enclencher l'action. Il va avoir la main dans le tordeur. Faudra faire quelque chose. Alors, à ce moment-là, on a plus de chances de se rendre au bout du débarquement parce que Kennedy va être devant l'évidence et aura à prendre des décisions à cet égard-là. Donc, du côté de la CIA, on n'envisage pas non plus que le président va garder le cap, en fait, jusqu'à la fin en interdisant cette intervention officielle américaine. On mise sur le fait que le président des États-Unis va décider, parce qu'il y a une action d'enclencher, parce qu'il y a un échec, de poursuivre l'opération et de mettre justement l'armée américaine à disposition et de renverser le régime castré. C'est ça le pari de la CIA, finalement. C'est ça le pari. C'est un pari aussi qui prend en bonne ligne de compte que Kennedy n'est pas assez sûr de lui. Justement, on mise aussi sur l'inexpérience dans l'entourage de Kennedy. Lui forcer la main. Exactement. On va le forcer, on va le manipuler, on va être capable de faire, de faire ce qu'on veut avec ce président-là. Évidemment, cet échec de la baie des cochons va avoir un écho qui va être transmis partout dans le monde. Ça va, à Cuba, se transformer cet échec américain en véritable triomphe pour le nouveau régime castriste. On écoute la journaliste Adèle Lauzon qui décrit en 1993 à l'émission Le Point Média ce qu'elle vit quand elle est dépêchée à La Havane en 1961, quelques jours après ce débarquement raté de la baie des Cochons. Et je suis arrivée dans une espèce d'atmosphère d'euphorie assez difficile à décrire parce que je ne l'ai jamais vue nulle part ailleurs, parce que c'était en même temps qu'il y avait des armes partout, il y avait des canons anti-aériens. L'armée n'était pas là, mais la milice était là, c'est-à-dire le peuple armé avec des mitraillettes. On allait dans les restaurants, les gens rentraient au restaurant, mettaient leurs mitraillettes sur la table à côté de la fourchette, et puis, mais tout le monde était dans un état d'emballement. Parce qu'ils avaient gagné. Alors, comment s'est récupéré cet échec retentissant du débarquement de la baie des Cochons par Fidel Castro? Bien, évidemment, ça va servir de justification à toutes les politiques, à toutes les positions que va prendre Fidel Castro sur la scène internationale. Et ça va ni plus ni moins aussi lancer Fidel Castro dans les bras de l'URSS à toute fin pratique, parce que cette rupture, elle est consommée. On a maintenant preuve que les États-Unis tentent de nous envahir, tentent de renverser le régime. Et ce que les Américains n'avaient pas prévu, c'était qu'au tout début de cette révolution, le peuple cubain était derrière Fidel Castro de façon extrêmement importante. Et c'est une des raisons qui explique aussi cet échec. C'est très, très fort symboliquement. Il faut se replonger dans le contexte de l'époque. On est en pleine guerre froide. Donc, effectivement, Castro va ouvrir les bras et l'URSS va lui ouvrir les bras. Mais c'est aussi, je le disais d'entrée de jeu, c'est ce géant américain, l'impérialiste américain, le colonialiste américain qui est défait par cette petite armée cubaine, au fond. Et c'est pour ça que, jusqu'au Vietnam, ce sera considéré le débarquement de la baie des Cochons comme la pire défaite militaire de l'histoire des États-Unis. Parce que, justement, on n'a pas été capable de renverser un si petit régime dans un si petit pays. Et en même temps, c'est la raison pour laquelle les États-Unis vont se faire pointer du doigt sur la scène internationale. Parce que, justement, qui êtes-vous, grande puissance, pour essayer, justement, de mettre à votre botte un aussi petit pays? Parce qu'il y aura une dénonciation, évidemment, très rapidement de la communauté internationale. Oui. Comment Washington, comment le président Kennedy vont gérer cet échec du débarquement de la baie des Cochons? On écoute le président John F. Kennedy devant l'American Society of Newspaper Editors à Washington le 20 avril 1961. On that unhappy island, as in so many other arenas of the contest for freedom, sur cette île malheureuse, comme partout ailleurs où l'on se bat pour la liberté, les nouvelles ont empiré au lieu de s'améliorer. Comme je l'ai déjà souligné dans le passé, il s'agit du combat de patriotes cubains contre un dictateur cubain. That this was a struggle of Cuban patriots against a Cuban dictator. While we could not be expected to hide our sympathies, sans cacher nos sympathies pour leur cause, il a toujours été hors de question pour nous d'engager nos troupes d'une façon ou d'une autre dans ce conflit. Toute intervention américaine unilatérale, en l'absence d'une attaque extérieure contre nous-mêmes ou un allié, aurait été contraire à nos traditions et à nos obligations internationales. Or an ally would have been contrary to our traditions and to our international obligations. Ça, ce qu'on entend, ce sera le fait, Karine Prémont, la position officielle des Américains, cette espèce d'expression d'hostilité à l'endroit du régime castriste, mais de refus, officiellement, d'intervenir militairement dans ce pays. C'est ça la position officielle. C'est la position officielle, mais c'est aussi la conviction profonde de Kennedy que le changement n'arrive pas par la force. Et en fait, ça a l'air un peu paradoxal dans la mesure où on se dit on a voulu renverser un régime, et là Kennedy dit nous on fait pas ce genre de choses là. Oui. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est vrai et faux à la fois. C'est vrai et faux à la fois. C'est vrai qu'il est hostile à ce régime-là. C'est vrai que Kennedy ne va plus essayer d'envahir l'île de Cuba. Et même la crise des missiles va susciter des débats houleux au sein de l'administration Kennedy parce que, justement, les chefs militaires veulent renverser Castro, mais veulent surtout envahir l'île. Oui. Et Kennedy dit, il n'y en est pas question. Donc, il va maintenir cette ligne-là. Ça n'empêche pas l'administration Kennedy, comme l'avait fait son prédécesseur, d'essayer d'assassiner Castro, de s'allier à la mafia, à d'autres groupes plutôt douteux, pour essayer de renverser Fidel Castro, pour essayer d'assassiner ce dirigeant-là. Des tentatives qui vont se produire après l'échec de la baie des Cochons. On va continuer de vouloir... On va continuer à essayer d'assassiner Castro, on va essayer d'impulser, autrement dit, ce changement de régime-là, mais il n'est absolument pas question d'envahir l'île. Ouais. Puis je reviens à ce qu'on vient d'entendre de la part de la bouche du président Kennedy. Mais effectivement, refus officiel d'intervenir militairement à Cuba, en même temps que, on l'a vu, les coulisses, c'est la CIA qui est derrière la formation des gens qui vont débarquer à la baie des Cochons. Donc, c'est faux et vrai à la fois. Washington est derrière cette opération de débarquement, mais pas complètement. Mais c'est parce qu'on comprend très bien, du point de vue de l'administration Kennedy, que Cuba représente un lieu géostratégique fondamental. Et d'ailleurs, Robert Kennedy, quelques jours après le débarquement de la baie des Cochons, on va dire, si on ne veut pas que les Russes s'installent et installent des missiles à Cuba, il faut décider tout de suite de ce qu'on va faire pour les en empêcher. Mm-hmm. Alors, on a déjà cette prémonition que les Russes vont vouloir s'installer là, vont vouloir profiter de la proximité avec le territoire américain pour développer des bases militaires, pour développer des bases nucléaires. Alors, on garde à l'esprit l'importance de contenir cette menace communiste, tout en sachant que l'envahir, ce serait absolument la pire chose à faire. Rétrospectivement, est-ce qu'effectivement, cette décision des Soviétiques, ça va nous mener à la crise des missiles en 62, est-ce que le signal envoyé par cette opération du débarquement de la baie des Cochons va faire qu'à Moscou, on se dise, il faut assez rapidement établir une présence militaire sur l'île de Cuba? Oui, absolument, parce que Castro lui-même va faire de fortes pressions sur Moscou, en tout cas va insister, disons-le comme ça, parce que les rapports de force sont pas à l'avantage de Castro nécessairement, mais Castro va beaucoup insister auprès des Soviétiques en leur disant, mais vous voyez, on a déjà tenté de nous envahir une fois, ils vont recommencer, on peut pas leur faire confiance, alors il faut absolument qu'on soit capable de se défendre. Castro avait lui-même demandé le contrôle des armes soviétiques sur le territoire, ça ne lui a pas été accordé, évidemment, et l'URSS voit ça comme une opportunité extraordinaire de pouvoir, justement, aller défendre ce petit pays, s'assurer également d'un soutien aussi proche du territoire américain. Revenons à Washington, aux suites de cette affaire, mais vu de la Maison-Blanche, quelles leçons vont être tirées de cet échec de l'opération de la baie des Cochons, Karine Prémont? Kennedy va tirer beaucoup de leçons de cet échec-là et c'est ce qui va lui permettre notamment d'être victorieux durant la crise des missiles. La première leçon, ce sera de ne pas faire confiance aux militaires, de ne pas faire confiance à la CIA. Clairement, ces gens-là lui ont menti. On lui a mis un peu de force ce plan sur la table et à partir de ce moment-là, il va dire « Moi, je ne fais plus confiance à ces gens-là, je veux faire confiance aux civils. » Et il va, concrétiser tout ça, il va ajouter dans son entourage, dans son cercle décisionnel, des gens qui lui sont proches, en qui il a toute confiance, notamment son frère Robert Kennedy, mais aussi Ted Sorensen, un ami de longue date. Et ces gens-là vont servir, en fait, de ressources, de catalyseurs, de guides, en fait, pendant le processus décisionnel de la crise des missiles. Il va aussi comprendre qu'il faut diversifier les sources d'informations. On ne peut pas se fier qu'à un seul département, qu'à une seule personne, qu'à un seul dirigeant. Donc, on va diversifier les sources d'informations et on va aussi centraliser le renseignement. Parce que là, ce qu'il comprend, c'est que chacun a ses bouts d'informations et à ce moment-là, construit tout un scénario autour de ça. Alors, il va tenter de centraliser le renseignement et de rendre imputable le département de la Défense quant au renseignement qu'il fournira par la suite. Et il va aussi donner plus d'importance au National Security Council, donc le Conseil de sécurité nationale, l'organe décisionnel en politique étrangère, et donc va donner plus d'espace au processus d'évaluation, parce que c'est ça qu'on va reprocher à la CIA. Kennedy demandera une enquête interne à la CIA pour comprendre ce qui s'est passé. Mm-hmm. Et effectivement, la conclusion, c'est le plan n'était pas assez préparé, mais on a aussi contourné tous les processus d'évaluation standard de ce genre de plan-là. Et Kennedy va dire, ben, en utilisant davantage le NSC, ben, on pourra à ce moment-là s'assurer de respecter ces règles d'évaluation. Vous nous avez déjà donné quelques éléments de réponse, mais au final, que va avoir changé cet épisode de la baie des cochons pour la suite des choses dans les relations entre les deux pays et sur le plan de la politique américaine par rapport à Cuba? Mais en fait, avec le débarquement de la baie des cochons et la crise des missiles, ce qu'on va voir, ce sont les États-Unis qui vont renoncer pour toujours, en fait, à envahir cette île de Cuba, qui va comprendre, en fait, que ce n'est pas une menace à ce point, que c'est une menace à tout le monde qui est gérable, en particulier. On va faire avec cette menace-là. Exactement. Ouais. Et plutôt, on va se concentrer à développer des mécanismes avec les Soviétiques, justement, pour éviter des escalades, pour éviter des problèmes, pour éviter des malentendus. Donc, on va comprendre qu'envahir une petite île, ce n'est pas si simple que ça, en particulier si cette île bénéficie d'un certain appui moral et idéologique ailleurs dans le monde. Alors ça, c'est peut-être le premier élément. Le deuxième élément qu'on va conclure, c'est la prochaine fois, il faudra y mettre toute la gomme, il faudra mettre... Sur d'autres terrains. Exactement. Quand on voudra intervenir militairement quelque part, il faudra y aller de façon franche et convaincante. Et on va le faire plusieurs années plus tard, notamment en Grenade, au Panama, sous Reagan et George H. Bush, respectivement. Et là, on va déployer des moyens colossaux pour assurer la victoire. Mais il faut dire qu'entre les deux, il y a eu le Vietnam. Et le Vietnam aussi, c'était une expression, une illustration très claire du fait que quand on déploie pas tous les moyens, quand on y va un peu à reculons, quand on y va de façon un peu prudente, ça ne fonctionne pas, c'est un échec. Alors, Grenade et Panama seront des contre-exemples en disant, si on veut gagner, il faut mettre toute la puissance militaire américaine à l'épreuve. Ouvertement, on y va. On y va franchement. Voilà. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, collaboratrice régulière de l'émission. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.